toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. C'est donc le groupe avec Il était une fois le titre J'ai encore rêvé d'elle. Et puis juste après eux, ça sera Goldman. Vraiment belle, c'est mieux, elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Je l'ai rêvé si fort que les les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps, bercé par ses « je t'aime ».

à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Émission juste après moi pour aujourd'hui, donc à partir de 19h jusqu'à 21h30. 21h, voilà, vous allez retrouver tout simplement Christophe avec l'émission Electric Choc. Et puis demain, entre 7h jusqu'à 9h, vous allez retrouver tout simplement Francky au réveil. Et puis juste après, Victor entre 9h jusqu'à midi pour l'émission Portugal Fiesta. Et puis donc la suite pour l'après-midi à partir de 14h jusqu'à 16h avec Gloria. Et puis en fin d'après-midi, 18h, 19h30, vous allez retrouver Violette avec Traditionnel. Et puis après, entre 19h30 jusqu'à 21h, vous allez retrouver Christina. Entre donc jusqu'à 21h. Avec Dalida, avec son titre, ça s'appelle tout simplement Une histoire d'amour. Et puis juste après, Michel Sardou. Le titre de Michel Sardou s'appelle Je vais t'aimer. De cœur, un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, j'en dis si ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler, c'est le rêve que l'on rêve sans dormir, un grand arbre qui se dresse plein de force et de tendresse vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal. À l'éclair où l'on s'enlace, c'est où l'on se dit adieu. Avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment, je la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal. Merveilleux.

Deux titres de Zouk. Je me ferai mal. bien deux titres de Zouk. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. FM en couleur. Sans du ma guitare.

Arc-en-ciel, un amour de la femme. Voici donc qu'elle s'appelle tout simplement Yannick Prévoit. Et le titre s'appelle Jeu de la tendresse. Plus d'hiver, s'abstenir, c'est pas gentillesse.

Essentiel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Retour avec les chansons Zouk. Thank you. soleil, plein les oreilles, plein les ailes, plein les oreilles. Voici donc qui s'appelle Michel Berger, Amour de fin. Je me retourne. Et donc, quelques jours d'amour. D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seul? Parmi tous ces amis et ces filles qui ne veulent que calmement l'amour. De mon village capitale, où l'air chaud peut être glacial. Entre 7h et 9h avec Francky, juste après lui entre 9h jusqu'à midi avec Armin Giraud avec l'émission Vins de Portugal, et puis juste après dans le milieu d'après-midi à partir de 15h jusqu'à 17h le groupe Groove Tropical avec Chantal, et puis après entre 18h jusqu'à 20h avec Sylvia, pause musicale. Musique. Et puis donc pour le vendredi matin, donc à partir de 9h jusqu'à midi avec Lorenzo, et puis dans l'après-midi entre 13h30 jusqu'à 16h avec l'émission Souvenir avec Nicolas. Donc bien, je vous laisse avec Eddie Mitchell et puis suivi de Alain Delorme. Mais avant d'écouter ces chansons, on va faire un petit coup à Florian et voici un titre portugais. De mim, a minha mãe, meu pai e gente de quem gosto, pois minha vida hoje já não é aqui. Eu sigo a estrada rumo ao norte, ao sul da chuva, e a saudade aperta por amigos meus, mas esta é escondendo o meu pranto. Eu vou, está na hora de voltar, com os olhos a chorar, digo adeus a quem mais amo. pendu trésor rapporte beaucoup. Un taux d'intérêt fou, valeur refuge qui dort. Une action que t'es mieux que l'or, sans un bout du tout. L'écureuil en est jaloux. Et pourrais-je garder ma tendresse, mes baisers, mes cœurs. de vie qui s'entendra romantique avec toi. Sensuelle avec elle, dans un rêve avec toi, dans un lit avec elle. Tu es tendre et fragile, tu me rends timide et malhabile. Laisse faire monter la fièvre en moi quand je suis dans ses bras. Toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Merci. sa vie. On est pressé. Et de maladresse en erreur, on suit des sentiers. C'est pas facile d'aimer comme on le voudrait. C'est pas facile d'aimer comme on le croyait. Face au temps qui passe, on oublie quelques illusions. Sa face avec je vis et nous vivons. Quand il faut choisir entre mes amours et le tien, je sens l'avenir très incertain. C'est pas facile. À vivre à deux le quotidien, c'est l'autre qui gagne, même si on a tout dans les mains. Je te dévisage le cœur au bout de mes regrets. Tu es le voyage de mes après. C'est pas facile. La FM en couleur. Após 4 anos de ausência, Tony Carreira regressa aos palcos para uma digressão em França. Dia 21 de janeiro, no Zénith de Orléans. Não perca esta oportunidade e reserve já o seu lugar. Bilhetes disponíveis nos locais habituais. Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, no site diam.eu ou ainda na vossa rádio Arc-en-Ciel. Voici donc d'autres chansons différentes et voici tout simplement eh bien, le Zouk. Arc-en-Ciel 96.2. La FM en couleur. parle mwen fom soleil mwen mwen ka mwen mwen jou se ou sel ki mwen le a kote mwen mwen jou se adore fom mwen ki mwen te koufe fom soleil doudou ka fye pli fwan de jou an jou. e ter muito mais de mim. Em que eu vou te dar miminhos, pois só contigo eu tô feliz. Vai, vai, vai, ai como eu quero esse teu amor. Vai, vai, vai, sentir meus lábios e o meu sabor. Vai, vai, vai, mas como eu quero a tua paixão. Bem sabes que eu sou tua, é teu meu coração. Bem que eu vou-te deixar louco, só tu me fazes sentir mulher. Se tu queres os meus beijinhos e ter muito mais de mim, bem que eu vou-te dar miminhos, pois só contigo eu vou feliz. Vai, vai, vai, ai como eu quero esse teu amor. Vai, vai, vai, sentir meus lábios e o meu sabor. Vai, vai, vai, mas como eu quero a tua paixão. Bem sabes que eu sou tua, é teu meu coração. Vai, vai, vai, é como eu quero esse teu amor. Vai, vai, vai, sentir meus lábios e o meu sabor. Un peu d'amour. Arc-en-ciel, un amour de FM. Et puis juste après lui, ce sera Dalida. Bye.

La FM en couleur. Voici donc qui vient tout simplement Kenji Girac avec Macarena et juste après du country. Magalina, magalina, magalina, dis-moi que tu regrettes si le fond en moi. Magalina, comprends-moi. Magalina, magalina, magalina, tout est léger que tu es dans mes bras. Magalina, tu fais quoi? Magalina, tu es parti, mais crois-moi, j'aurais tout fait pour toi. est comme avant. Tout me semble irréel. Ma vie est un vrai bordel. Les journées se ressemblent. La vaisselle s'empile. J'ai posé ton portrait sur la table de chevet. dent sous mes cheveux longs. Ça fredonne des mots piquants qui vous dérangent dans le game. C'est moi la d'avant sans accessoire, ni autotune, loin de la gloire. Je maudis la thune, noire et encore. Chanson qu'on a débuté l'émission avec tout simplement Laisse-moi t'aimer, donc assez petit et pourquoi. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas, mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Mon cœur, tu es toujours la force.

voici donc Renaud avec les petits mots. Appelle bourgeois bohème ou bien bobo pour les intimes. Dans les chansons de Vincent Delerme, on les retrouve à chaque rime. Ils sont une nouvelle classe, après les bourges et les prolos. Pas loin des beaufs, quoique plus classe, les vous en dressez le tableau. Sont un peu artistes, c'est déjà ça, mais leur passion c'est leur boulot. Dans l'informatique, les médias sont fiers de payer beaucoup d'impôts. Les bobos, les bobos. Les bobos, les bobos. Ils vivent dans les beaux quartiers ou en banlieue, mais dans un loft. Atelier d'artistes branchés, bien plus tendance que la plus proche. Ont des enfants bien élevés qui ont lu Le Petit Prince à 6 ans, qui vont dans des écoles privées, puis des racailles. Je me comprends, ils fument un joint de temps en temps, font leurs courses dans les marchés bio, roulent comme 4x4, mais plus souvent préfèrent se déplacer à vélo. Les bobos. Les bobos, les bobos, les bobos. Houellebecq ou Fidjan, les Arocs et Télérama. Leur liste de chevet, c'est sûrant, près du catalogue Ikea. Ils aiment les restos japonais et le cinéma coréen. Passent leurs vacances au Cap Ferré, la Côte d'Azur, franchement ça craint. Ils regardent surtout Arte, Canal Plus, c'est pour les blaireaux. Sauf pour les matchs PSG et de temps en temps un petit porno. Les bobos, les bobos, les bobos, les bobos. Ils écoutent sur leur chaîne IFI, France Info, toute la journée. Alain Bachelot, François Tardy, et forcément Gérard Manset. Ils aiment des proches, sans même savoir que des proches les détestaient. Benoît et Jean-Marie Ligard, même s'ils ont honte de l'avouer. Ils aiment Jacques Lang et Sarkozy, les votes toujours écolo. Ils adorent le maire de Paris, Ardisson et son pote Marco. Les bobos, Lisa. Les bobos, les bobos, ça. Les bobos. La femme se prince chez Diesel, lui c'est Armani ou Kenzo. Pour leur cachemire toujours nickel, ça dit Voltaire, je dis bravo. Ils fréquentent beaucoup les musées, les gardes d'art, les vieux bistrots. Boivent de la manzana glacée en écoutant Manu Chao. Ma plume est un peu assassine pour ces gens que je n'aime pas trop. Par certains côtés, j'imagine que je fais aussi partie du lot. Les bobos, les bobos, les bobos, les bobos, les bobos, Lisa. Les bobos, ah bon, mais où ça? Les bobos, ah d'accord, mais Lisa. Les bobos. Oh, Cette chanson-là qu'on va se terminer, qu'on va se retrouver prochainement, donc en fin de semaine pour l'émission Est-ce comme souvenir, et puis donc aussi dimanche pour l'accordéon. Voilà donc, et bien, je vous dis bonsoir à tous et à toutes, et à la prochaine. Bonsoir. La tête, quand je pense à toi, moi tous mes potes ils font la fête, mais moi je pense à toi et tu me rends tellement, tellement bête. Quand je pense à toi, je ne fais que penser à toi, je pense à toi et je m'entête et je ne veux plus rien connaître. Qui ne te concerne pas, je suis prêt à te promettre tout ce qui ne se promet pas. Je t'aime d'amour, ça jamais je l'avoue. On est peut-être à la bourse si le monde est à nous. On a passé les temps, des bisous sur la joue. Besoin d'une nuit d'amour tout en haut de la tour. Tout près des étoiles, oh, j'aimerais que tu t'aimes. Oh, honte à moi, ma belle-là, si je t'étais ça. Tout près des étoiles, oh, j'aimerais que tu dévoiles. Oh, honte à moi, ma belle-là, si je t'étais ça. Jeito de amar. E tudo que você quiser, eu vou fazer. É só chamar. E tudo que eu sempre quis, você me faz, você me dá. Fiel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Right? C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décoration, peintures et sols, revêtements muraux, ravalement, traitement de toiture. Choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans, téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais.